Chapitre 8. Cependant, le pays vivait comme toujours. Il n'était rien survenu pendant tout le mois suivant. On vit petit ici, on vit pas gros. Un homme montait à sa vigne. On voit dans un jardin une femme qui tire sur des feuilles de bête, qui sont de grosses feuilles brisées, presque noires, à force d'être vertes, et à cause du blanc de la tige qui fait une large bande au milieu. On voyait le père Bruchet aller s'asseoir sous le cadran solaire, à l'aiguille tombée, aux chiffres effacés. Lui, on ne le voyait pas, du moins tant que le jour durait. On voyait de temps en temps arriver le mulet du chalet avec Félicien. C'était une jeune bête à manteau rouge, toute ronde, sous son bas qu'il arrondissait encore en lui faisant les jambes fines. Elle apportait du beurre et du fromage, remontant avec une provision de pain, des allumettes, du savon, de la semoule pour la soupe. Et ce qu'on voyait aussi, c'était de temps en temps les gendarmes, parce qu'ils continuaient à courir le pays, étant généralement deux, allant au pas, la capote roulée autour du corps, le pistolet pendu à la ceinture, dans leur tunique noire à épaulettes rouges. Ils faisaient le tour du village, ils allaient jusqu'à la maison de Farinet. Et quelquefois, l'un ou l'autre disait « Si vous croyez qu'on ne sait pas où il se cache ?» Quelquefois, quand il rencontrait sur le chemin un homme du village, il lui demandait « Vous ne l'avez toujours pas vu ?» Et l'autre « Non pas, mais il haussait les épaules. Il ne vous faudrait pas nous croire plus bêtes qu'on est. On sait assez qu'il n'est pas loin. Seulement, il pourrait faire un mauvais coup, et ça pourrait nous coûter plus cher qu'il ne vaut. Alors, pour le moment, on se contente de le surveiller. » Ils étaient bien quelques-uns aussi dans le village à connaître la cachette de Farinet, mais aucun d'eux n'y était jamais allé. Ils en parlaient par ouï-dire. Il était entendu que Farinet avait sa maison, où depuis longtemps il n'habitait plus, où il habiterait sans doute de moins en moins, avec un jardin pas cultivé, une treille jamais taillée, et quelques arbres fruitiers retournés à l'état sauvage. Il avait sa maison où il pouvait être, ou n'être pas, ses autres arrangements ne regardaient que lui. « Heureusement qu'on était fortifié dans le temps, » disait Fontana, « parce qu'ainsi il en a profité. C'était utile en cas de siège. » Mais ça lui a été encore bien plus utile à lui, pour fabriquer sa monnaie. Sa maison, tout le monde la connaît, ça n'aurait pas été prudent. Tandis que là-dessous, il baissait la voix, il peut être tranquille tant qu'il s'y tient, tant qu'il y reste, tant qu'il ne se montre pas trop, parce qu'il peut compter sur nous. On hochait la tête. Il a trois sorties, celle de la maison, celle qui est dessous la tour, celle de la gorge. Et la gorge, elle, en a aussi des sorties, elle en a même tant qu'on veut. La gorge, c'est tout le pays, la nuit surtout, et pour un homme qui la connaît comme lui, un homme leste, un homme jeune, un homme fort, un homme adroit. C'était le soir vers les 10 heures dans le café de Critin, où Farinet était venu une première fois rejoindre les 3 ou 4 hommes qui étaient là, toujours les mêmes. Ils avaient eu une grande joie à le revoir en bonne santé, se moquant ouvertement du gouvernement et des gendarmes. De nouveau, ils circulaient de nuit en compagnie de la liberté, et était entré ce soir-là dans le café en sa compagnie, ouvrant en même temps la porte à une bonne bouffée d'air frais. « Bonjour, » avait-il dit, « comment allez-vous ? Ils ne sont pas là ? Ça va bien ? Critin, » avait-il dit, « je t'apporte des pièces. » Ils avaient été s'installer à la cuisine derrière les contrevents fermés. Là, il avait commencé à raconter son évasion. La lime, les barreaux, la descente du mur, la lune, les chemins. Et comment les coqs qui chantaient déjà racontaient de village en village sa victoire. Il avait bu avec nous, vers minuit il était reparti. Il était convenu, avec Critin, d'un signal qui lui montrerait qu'il pourrait venir en confiance, comme le drap de lit de Joséphine. C'était un arrosoir que Critin renverserait au bout d'une perche, au bas du jardin. Quant aux provisions, la chose regardait Joséphine. Tout semblait ainsi s'arranger et même très bien s'arranger. Pourquoi alors est-ce qu'au bout de quelques jours, on s'est étonné de son air ? Il avait l'air triste et découragé. C'était le commencement d'août. Alors voilà qu'un soir chez Critin, et ils étaient là tous les 5. « Est-ce que jamais personne a eu à se plaindre de moi ? » avait-il commencé. « Est-ce que j'ai jamais fait tort à personne ? » Il disait « Toi, Charan. » Charan hocha la tête. « Ou bien, si c'est toi peut-être, Ardeva. » Ardeva a haussé les épaules. « Alors peut-être que c'est vous, Fontana ?» Le vieux Fontana leva la main. « Moi ?» Et la laissant retomber, il frappa sur la table. « Moi, tu ne m'as jamais fait que du bien. » Restez Critin. Farinet lui a dit « Tu es le dernier. » Critin, lui, n'a rien répondu, mais ayant été à une vieille marmite qui était déposée dans un coin du foyer dont il avait soulevé le couvercle, et dessous il y avait un linge plié en quatre. « J'ai confiance en toi. Eh bien, tu vois où je le tiens. » C'était dans la cuisine de l'auberge, après la fermeture de l'établissement. Les portes de la maison avaient été fermées à clé et toutes les lumières éteintes, sauf la lampe qui les éclairait, mais elles ne pouvaient pas se voir depuis dehors, à cause des contrevents qui étaient de bois plein. Pour peu qu'on fût venu et qu'il eût fallu aller ouvrir, Farinet aurait eu tout le temps de s'échapper par les greniers et par le toit, car ils avaient tout prévu et même laissé ouverte la porte qui donnait sur l'escalier. C'était une vieille cuisine et basse, avec un dallage d'ardoise. Au milieu, il y avait une grande table autour de laquelle ils étaient assis. Il y avait deux bancs, ils étaient trois hommes sur un des bancs, deux sur l'autre, de chaque côté de la table. Joséphine, elle, était installée dans un coin sombre, sous l'avancement de la hotte du foyer. « Alors, comme ça, avait repris Farinet, si vous ne vous plaignez pas de moi, ni personne ici ne se plaint de moi, qu'est-ce qu'il faut de plus au gouvernement ? Voilà bientôt 4 ans qu'il ne pense qu'à me faire des ennuis. Et ça fait trop de temps, et ça fait trop d'ennuis. » Il parlait beaucoup. Il ne devait guère en avoir l'occasion tout le long du jour, dans sa grotte. C'est ce qu'on se disait. On le laissait parler. « Est-ce que mon or est faux ou non ? Ce n'est pas une fois, mais 3, mais 4 que les experts l'ont examiné. C'est de l'or, c'est même du tout vrai, de l'or pur, de l'or vierge. C'est de l'or qui vaut bien mieux que celui du gouvernement. Je vais vous le dire, moi, le gouvernement est jaloux. Ces lois, elles sont faites pour lui. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'organiser une bonne petite vie à nous, par ici, avec notre monnaie à nous, et pas la sienne ? » On voyait que ce soir-là, Farinet cherchait à se justifier, et aussi à trouver une issue à une situation qui ne semblait guère en avoir. « Peut-être que vous allez me dire que je ne suis pas de la commune, mais enfin, combien ça fait-il déjà d'années que j'y suis ? Ça va faire 7, 8 ans, 8 ans que je ne l'ai pas quitté, ou du moins... « Volontairement !» Il riait. « Alors j'en suis quand même un peu. Et puis j'y ai une maison, ou quoi ? Quand même, elle ne vaut plus bien cher. » Il riait. « Alors, il faudrait tâcher de s'organiser, d'organiser quelque chose. »« Oui, disait Fontana, c'est mon avis. »« Ah, c'est dommage, a dit Farinet, que je sois allé à Ostende. C'est ce qui a tout gâté. Si je ne m'étais pas fait arrêter par le roi d'Italie, jamais il n'aurait osé m'arrêter ici. » « Jamais, a dit Critin, parce que jamais personne n'aurait voulu te dénoncer. Et à Sion aussi, je n'ai pas été assez prudent. C'est ma faute, je sais bien. À Sion, vous n'y étiez pas. J'étais tout seul. » À ce moment, on avait entendu bouger dans le coin de la pièce, et une voix a dit « Et moi ?» C'était Joséphine. Elle était jusqu'alors demeurée à l'écart, n'ayant rien fait pour attirer sur elle l'attention, bien au contraire. Elle s'était tenue immobile dans son coin, les bras sur les genoux, la tête en avant, engagés à demi sous le manteau de la cheminée, ils regardaient tous vers elle avec surprise. Et lui aussi, il avait été surpris, il avait dit « C'est bien sûr que tu étais là !» « Et ensuite, Farinet, est-ce que je ne t'ai pas aidé ?»« Ça c'est vrai, dit Farinet. Est-ce que tu serais sorti des galères sans moi ?» Il dut dire encore « Ça c'est vrai !» Alors, elle se tut. Lui-même avait voulu continuer, mais il ne trouvait plus bien ces mots, c'est Fontana qui avait repris. « Il n'y a qu'une chose, Farinet. À ta place, je surveillerai mes sorties. »« Oh, dit Farinet, c'est Minet, partout !» Ardeva avait ajouté, « Moi, je ne resterai pas trop longtemps ici. Ils doivent savoir où tu te caches. À ta place, je remonterai au chalet. »« Oh, on y remontera bien, mais il me fallait faire faire mes pièces. Les premiers jours, je ne sais pas ce qu'il y avait, ça n'allait pas. Mais à présent, ça va. » Il disait « ça va » sans avoir l'air d'y croire. Il a recommencé « et puis c'est commode ici pour les voir venir. Ah » Et il se mit à rire. Tout à coup, il avait retrouvé sa gaieté. Il s'était tourné vers Joséphine. « N'est-ce pas que c'est vrai, Joséphine ? Qu'est-ce que tu vois de la fenêtre ?»« Moi ? Oui, quand tu es là-haut, dans ta chambre, du côté de la vallée. » Elle eut l'air surprise à son tour. « Je ne sais pas. » Et tout le monde était surpris, mais lui, il disait « Et encore, je vois l'eau, la terre, le ciel. Que vois-tu par ta fenêtre, Joséphine, quand tu es là-haut, sous le toit ? Je vois les montagnes, je vois le Rhône. Et au bord du Rhône, il y a Saxon. Et de Saxon ici, il y a la route. Et sur la route, alors ils se mirent tous à rire ayant compris pendant qu'elle disait « Sur la route, il y a des points. De quelle couleur ? Noir. Ça brille ? Ça brille. Et alors, ça se voit de loin. Ça va bien. Parlons d'autre chose. » Il prit son porte-monnaie dans sa poche et dit « Voulez-vous voir mes pièces ? Parce que j'ai dû les refondre. Elles étaient d'abord trop blanches, pas assez lisses. Mais à présent, il me semble, qu'est-ce que vous en pensez ?» Chapitre 9. Ce qui n'empêche pas qu'une semaine après, ou environ, et il y avait bien 3 ou 4 jours qu'on n'avait pas vu un seul gendarme dans les environs du village, Romaillet avait fait savoir à Farinet qu'il serait content d'avoir sa visite, parce qu'il avait à lui parler. Ce n'est pas Joséphine qui l'avait chargé de la commission, mais bien Critin, qui l'a transmis à Farinet, l'ayant pris à part. Romaillet voudrait te parler. Romaillet, le municipal, tu as travaillé chez lui dans le temps. Qu'est-ce qu'il me veut ? Je ne sais pas, mais il t'attend un de ces soirs. Farinet secoua la tête. À ta place, moi j'irai, dit Critin. On ne sait pas. Romaillet a le bras long, et puisqu'il garantit que tu peux venir sans crainte, c'est qu'il a pris lui-même ses précautions. Mais Farinet avait secoué de nouveau la tête, ce qui n'empêche pas que le lendemain, comme il attendait Joséphine, tout à coup il s'était rappelé la proposition de Romaillet, et il était sous la terre. Et ça ne pouvait pas durer longtemps encore, pensait-il. Il s'était dit qu'il ne risquait rien à aller chez Romaillet, ayant confiance en lui, sous le beau ciel de ce soir-là et sous les premières étoiles. Joséphine, il est vrai, devait venir, mais je lui expliquerai. Peut-être même l'idée qu'il aurait ainsi un prétexte à ne pas être là avait-elle été pour lui une tentation de plus pendant qu'il prenait son fusil, car il ne s'en séparait guère. Il avait roulé l'échelle de corde et l'avait caché dans un des renfoncements du passage avec le falot tempête. Il s'est avancé avec prudence sous le ciel, parmi les blocs épars et les buissons de ronces, n'ayant gagné l'espace découvert qu'après avoir été bien sûr que personne ne l'épiait aux environs. Mais du haut des vignes, en terrain nu, sous l'éclairage des étoiles, la vue portant de tous côtés l'avait rassuré tout à fait. Il n'avait pas eu besoin de chemin pour se diriger. On voyait de loin cette maison blanche. Cette maison de Romaillet était un peu à l'orient et un peu au-dessus du village. Elle était neuve, avec un soubassement de pierre peint à la chaux. Les contrevents en étaient fermés et aucune lumière ne se voyait aux fenêtres. Farinet n'en avait pas moins monté l'escalier de pierre et allait heurter à la porte quand elle s'est entr'ouverte. Et Romaillet s'est avancé. Il voit Farinet, il dit « Ah, c'est toi !» Il a dit « Entre, je t'attendais !» Il lui avait tendu la main. Ils traversèrent la cuisine, puis sont entrés dans une chambre tout à côté où il y avait une table et des chaises. « Assieds-toi !» avait dit Romaillet. Farinet s'était assis sans rien dire. Romaillet avait commencé par lui offrir un cigare que Farinet avait pris pendant que Romaillet frottait une allumette. Ensuite, Romaillet a dit « Eh bien, comment ça va-t-il »« Ça va, merci. C'est qu'il va y avoir du temps qu'on ne s'est pas vu. Tu te rappelles quand tu travaillais chez moi ? Ça va faire combien ?» Il a compté. « Il s'est passé des choses depuis. » Lui-même avait allumé un cigare. Il tirait sur son cigare. « Et c'est justement, mon garçon, tu dois te rendre compte que ta situation ne sera plus tenable bien longtemps. Il suffirait qu'on sache où tu te caches, et peut-être bien qu'on le sait. À supposer d'ailleurs que tu réussisses à t'échapper. Où veux-tu aller, mon garçon ? Les chalets d'en haut, c'est bon pour l'été, mais nous voilà déjà au mois d'août, bientôt l'automne. Tu ne peux pas quitter le pays parce que tu es signalé partout. Tu vas être obligé de t'enfermer dans ta cachette. Alors écoute, j'ai une proposition à te faire. » Il secoua la cendre de son cigare. « C'est qu'il y a les libéraux, » avait repris Romaillet. « Tu n'as peut-être pas lu leur journal, parce que par ici, on ne le lit guère. Tu comprends, ils sont de l'opposition. Eh bien, ils disent que le gouvernement, s'il voulait, pourrait t'arrêter, mais qu'il fait exprès de ne pas t'arrêter, parce qu'on est conservateurs par ici comme lui, et parce qu'on est tous tes amis. Les libéraux disent que le gouvernement a peur, s'il t'arrêtait, de perdre nos voix aux élections. As-tu compris ? Farinet a fait un signe de tête, et c'est ennuyeux. C'est ennuyeux pour le gouvernement. Je crois bien que si le gouvernement le voulait, il pourrait t'arrêter demain. Mais ça lui coûterait de l'argent, et puis peut-être des vies d'hommes. Alors voilà, écoute bien, j'ai été chargé de te dire que tu devrais te rendre. Le gouvernement t'en tiendrait compte, tu as déjà fait 6 mois de galère, ces mois te seraient décomptés. Dieu sait, tu n'en aurais peut-être plus que pour 6 mois, et 6 mois d'hiver, c'est vite passé. Tu pourrais ensuite rentrer tranquillement dans ta maison. Tu ne devrais plus rien à personne, mais ce serait à une condition. » Romayé s'arrêta de nouveau. « Et cette condition serait que tu renonces à fabriquer, à mettre en circulation les pièces. Ça, c'est la grande condition. » Farinet avait dit tout à coup « Ma foi, non !» Seulement, Romayé ne s'était pas laissé interrompre. « Je sais bien que tu crois que ton or est bon, mais il y a les lois. Est-ce que tu te rends compte de ce qui arriverait si tout le monde se mettait à faire comme toi? Comment est-ce qu'on se débrouillerait? Il y a les lois, il y a un code. On te demanderait seulement de le respecter à l'avenir. » Farinet, de nouveau, avait dit « Ma foi, non !»« Attends, » disait Romayé, « n'allons pas si vite. » Alors voilà qu'il avait appelé. Il a crié « Hé, dis donc, Thérèse !» On a entendu le bruit d'une chaise qu'on déplaçait dans la chambre au-dessus de vous. On a entendu un bruit de pas. Ensuite, la porte s'est ouverte. Farinet ne l'avait pas vu tout de suite parce qu'il lui tournait le dos. Romayé avait dit « Viens ici, Thérèse !» Et puis, quand elle avait été à côté de lui, « C'est ma fille, tu ne la reconnais pas ?» Farinet n'a rien répondu. « Ah, c'est qu'elle est à l'âge où les filles, ça change vite !» avait dit Romayé en riant. « C'est une demoiselle, te voilà une demoiselle, Thérèse !» Elle était devenue toute rose en haut de son corsage de soie qui était bleu comme le ciel. Et Farinet ne disait toujours rien. Alors Romayé avait dit à sa fille « Écoute, Thérèse, va nous chercher une bouteille de fendant. » Elle a dit « Oui, père. » Elle sort, elle s'en va, et Romayé ne disait plus rien. Et elle est revenue avec la bouteille, mais voilà que Farinet n'osait plus la regarder. Elle avait posé la bouteille et les verres sur la table. Il n'osait pas la regarder, mais il continuait de la voir dans son cœur. Il a entendu la voix de Romayé « Merci bien, Thérèse. Je crois qu'on a tout. Tu peux aller. » Farinet entend qu'elle sort. Il entend son pas qui s'éloigne. Alors il y a eu un moment de silence pendant que Romayé débouchait la bouteille qu'il tenait serrée entre ses genoux. Il a rempli les deux verres. « Il est bon, hein, ou quoi ? Et peut-être que tu le reconnais, Farinet. Tu t'étais aidé à le faire dans le temps. » Prenant une gorgée de vin entre ses lèvres, il l'avait retourné sur son palais deux ou trois fois sans avaler. C'est pour en épuiser le goût. « Oh, il n'est pas si mauvais que ça. Qu'en penses-tu » a-t-il repris, parce que Farinet n'avait rien répondu. « Mais le bon vin, vois-tu, il faut pouvoir le boire tranquille. » Et Farinet avait voulu répondre « Non, ne réponds rien. Tu as 3 semaines pour te décider. Tu as d'ici à la fin du mois. Réfléchis, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui tu dis non parce qu'il y a l'amour-propre, et demain tu voudrais dire oui, et demain tu ne pourrais plus. Tu as 3 semaines, et pendant ce temps-là, tu n'as rien à craindre. Bien sûr qu'il vaudra mieux pour toi de ne pas te montrer en plein jour sur la place du village, si les gendarmes étaient aux environs, et de ne pas trop avoir l'air de les narguer. Mais, à cette condition près, on te laissera tranquille. Je t'en donne ma parole. Ne réponds rien. Santé !» Ils trinquèrent encore une fois. Farinet s'était levé. « Encore un verre ?»« Non, disait-il, il faut que j'aille. »« Rien qu'un. » Il fit signe que non. « Alors c'est entendu. Tu m'apporteras la réponse avant la fin du mois. » Il n'y avait plus eu que la nuit et les étoiles, c'est-à-dire devant lui, derrière lui, au-dessus de lui. Non. Farinet dit non encore une fois, et ayant traversé la haie, il la suivait sur son autre côté, dans l'herbe épaisse, dans l'herbe mouillée, où il y avait les vers luisants comme des petits morceaux de lune tombés. Il avait caché son fusil dans un buisson avant d'entrer chez Romayé. Il a d'abord été le reprendre, et c'est comme si de nouveau il était lui. Il ne l'avait plus été pendant un moment. Il se demandait depuis quand, depuis que... Mais il n'a pas été chercher plus loin, se tenant debout devant la vallée, et de nouveau il se disait « Me rendre, moi ? Ils ont cru peut-être que je suis à vendre. Un verre de vin et un cigare, c'est bon marché. » Il a ri un peu, les mains dans ses poches. Il marchait maintenant avec lenteur, parce qu'il voyait que ses décisions à prendre, ça n'était pas si simple que ça. Il est descendu le long de la haie, puis il avait rejoint les vignes. Il était dans une cendre de lune et dans un léger duvet gris de lune, disant la douceur de la vie. Il voyait qu'elle peut être douce. Il le voyait pour la première fois, ce qui a fait qu'il s'est senti fatigué, et en même temps, il était heureux. Pourquoi heureux ? Ah, se disait-il, c'est que ça serait commode si je disais oui. On sort, on se promène avec les autres hommes, on n'a plus rien à craindre d'eux. Vers les 11 heures de la nuit, au milieu des prés, sous la lune, il se demandait qu'est-ce qu'il est arrivé. Il s'est assis pour mieux se le demander, et se retournant, il cherchait des yeux s'il ne verrait pas encore là-haut une lumière, mais la maison de Romayet avait été déjà cachée par le bombement du terrain. Il se disait « peut-être ». Il regardait au-dessous de lui, dans le gris de la lune, les toits serrés les uns contre les autres, n'en faisant plus qu'un, et dessous les gens étaient ensemble et dormaient en tranquillité. Pendant ce temps, lui était sous la terre, on était dans le haut des airs. Est-ce que c'est ça la liberté? Pas de milieu pour lui. Or voilà que la liberté est peut-être dans le milieu. C'est ce qu'il se disait aussi. Assis sous la lune grise avec des pointes de montagnes blanches de tous côtés. Et nous, on est condamnés à être tout là-haut, comme il voit, levant la tête. Ou bien, et il baisse la tête, là en bas, au-dessous des ruines de la tour qu'il voit. Sous la terre, comme la taupe, dans les airs, comme l'aigle. Un homme, s'est-il dit alors, est-ce que ce n'est pas fait plutôt pour être couché sous un toit, entre les étoiles et la terre, dans un lit? Un homme, c'est fait pour vivre avec les autres hommes ou quoi? Et pour avoir un peu de bien, une bête ou deux, une vigne ou quoi? Et une femme? Alors, il se mit à rire. J'en ai une. Mais, il s'est dit ensuite, non, j'en ai point. Une femme qu'on aurait choisie, qu'on aimerait bien, qui vous aimerait, toute blanche et douce, dans une chambre, une vraie chambre, avec une table et une lampe. Et puis, tout à coup, il s'était mis debout. Tant pis, moi, j'ai la liberté, ça nous ramène sous la terre. Il était reparti, descendant maintenant tout droit dans la direction de la tour. Il y a peut-être des choses bonnes, mais elles ne sont pas pour moi. Il a secoué la tête. Il y avait pourtant toujours cette grosse lune grise, où, au-dessous de lui, les maisons de Miège étaient assises, s'appuyant la tête sur l'épaule l'une de l'autre pour dormir. Il voit qu'il ne va pas pouvoir rentrer tout de suite dans le mauvais air et l'humidité. Il pense aussi que Joséphine devait l'attendre. « C'est une bonne fille, » se disait-il. « Mais... » Et voilà qu'il prenait à gauche, étant arrivé à la hauteur de sa maison, qu'on distingue, non loin de là, toute renfoncée dans une espèce de broussaille, qui est les arbres fruitiers pas entretenus depuis longtemps, toutes sortes de plantes et de buissons qui ont poussé à leurs pieds. C'est quand même un toit, des murs, une chambre, un lit. Puisque je ne risque rien. Et c'est Romayet qui me l'a dit, et on peut avoir confiance en lui. Ils auront eu beau fouiller, ils n'auront sûrement pas trouvé la clé dans sa cachette. Comme il voit en effet, s'étant penché. Comme il voit en effet, s'étant penché. Et elle est bien là, en effet, sous la marche de l'escalier. Il la sent entre ses doigts, toute veloutée par la rouille qui est venue dessus avec le temps. Voyant aussi, pendant qu'il monte le perron, que la vigne qui couvrait la façade s'est détachée, et il s'embarrasse les pieds dedans. N'empêche qu'il monte les marches, puis essaie de faire entrer la clé dans la serrure, alors il voit qu'elle n'entre plus. Oh, tout est dans un joli état. Mais ça ne fait rien, parce que c'est chez moi. Et ça se répare, tout ça. Alors il s'aperçoit que la porte est seulement tirée, de sorte qu'il n'a qu'à appuyer de l'épaule contre le panneau, faisant entrer en même temps que lui les feuilles mortes, pendant qu'il se prend la figure dans les toiles d'araignée qui pendent entre les montants. Ça ne fait rien, ni les ténèbres non plus, où il s'engage en tâtonnant, s'étant souvenu qu'il y a sur le manteau de la cheminée une boîte de fer blanc pleine de bouts de bougie. Il en prend un, il frotte une allumette, il élève au-dessus de sa tête la petite flamme qui est bleue, incertaine encore, et redescend d'abord au suif pour réclamer sa nourriture, puis tout à coup prend de la force et se met droite, montrant les meubles bouleversés, les deux bancs, les pieds en l'air, l'armoire grande ouverte, la table elle-même, toute couverte d'objets jetés pêle-mêle dessus. Car c'est qu'on était venu, ah, on le voit bien. Mais ça l'amuse, parce qu'ils n'auront rien découvert quand même. On a fouillé partout pour trouver son or et ses moules. Ils n'ont même pas trouvé l'entrée du souterrain, comme ils voient, étant descendus à la cave, et le tonneau poussé devant l'entrée n'avait pas été déplacé. Ils n'avaient pas été malins, ça l'amuse. Il remonte, il est quand même chez lui, ça va bien. Mais à quoi est-ce qu'on pensait, se dit-il, il ne sait plus. Il avait posé la chandelle à côté de lui, sur une chaise. Il s'était accoudé, il faisait une ombre, et c'est à ce moment le Père Sage qui était venu. C'est le Père Sage qu'il revoyait en imagination. Est-ce que ce n'était pas le bon temps quand le vieux sage couchait dans cette chambre et lui farinait dans celle d'au-dessus? Est-ce que ce n'était pas déjà la liberté? Il y en a une qui est douce et une autre qui est sauvage. Le Père Sage est assis dans la cuisine devant le foyer occupé à trier ses plantes. Il y en avait d'autres qui pendaient en bouquets aux poutres du plafond. Pendant ce temps, Farinet préparait sa hotte, ayant eu soin de loger dans le fond son fusil démonté, un fusil en deux parties et qui se démonte, et c'est bien commode. Par-dessus venaient les sachets avec toute espèce d'herbage pour ceux qui boivent sur les herbes. Il prenait les paquets que le Père Sage lui passait jusqu'à ce que la hotte fût pleine, qui était une grande hotte, haute et large, et pourtant légère. Bien plus légère qu'on aurait cru, et ne pesant guère que son propre poids, car ça ne compte pas ou guère ses feuilles sèches. Il avait l'air terriblement chargé, et ne l'était pas. Il rit. Est-ce que c'était le bon temps? Il partait au petit jour, c'était le bon temps. Il n'allait pas prendre le train, d'abord parce que ça faisait un détour, et ensuite à cause du fusil, et qu'il s'en servait au retour, ou qu'il comptait bien s'en servir. Il ne suivait pas non plus la route de la vallée. Il partait droit devant lui, sans même s'occuper des sentiers quand il y en avait. Prenant par le flanc de la côte qui tombe à pic, du haut de la grande chaîne jusqu'au Rhône, de 3 000 mètres à 400 mètres, parmi les éboulis, puis des vignes, puis plus de vignes, parmi les vergers, puis plus de vergers. Il partait pour Sion, tout gris, puis rose d'un côté, gris de l'autre, puis tout doré par devant. On avait des souliers d'abord plus brillants que ceux des gendarmes en grande tenue. C'était le bon Dieu qui vous les cirait gratuitement avec sa rosée. Ensuite, blanc, comme quand on a travaillé dans le plâtre tout le jour. Tout était un changement continuel dans ce temps-là. Mais c'est que le pays change lui aussi continuellement, étant tout vert, tout gris, tout nu, ou habillé entièrement de fleurs et de feuilles. Tout à fait désert et sauvage. Ou comme un parc plein de filles assises sous les arbres le dimanche, au soleil, puis à l'ombre, puis au soleil, et lui-même était au soleil, puis à l'ombre, devant un verre de vin frais, dans les caves, où les gens l'invitaient à boire parce qu'il avait des connaissances dans les villages, ce qui le menait jusqu'au soir. Ah, se dit-il, c'était quand même le bon temps. Il a rallumé un bout de bougie à l'ancien qui allait s'éteindre. Il voit nettement la suite de cette histoire comme si c'était une nouvelle flamme qui l'éclairait. Il voit où elle se gâte, si elle s'est vraiment gâtée, se dit-il. Il voit le vieux sage qui se lève un soir comme ça, et le vieux sage disait « C'est pas tout, il n'y a pas que les plantes. Et toi, est-ce que tu n'es pas un petit peu comme mon fils ?» Et le père sage avait été à l'armoire dans la cuisine. Sous une pile de vieux linge, il y avait une boîte de fer qui fermait à clé. Il la tenait sur ses genoux. Le feu éclaire toute la pièce à cause des branches sèches de mélèze ayant encore leurs aiguilles qu'on venait de jeter dessus. Où il se voyait tout entier, le vieux, qui allait chercher dans la poche de son pantalon son porte-monnaie. Et parmi les pièces de monnaie, il y avait une toute petite clé, celle qu'il a utilisée, l'ayant prise entre ses vieux doigts. « Car tu es un peu mon fils à présent, et on ne sait pas ce qui peut arriver. Eh bien, c'est un certificat. » Eh bien, tu vois, il est signé. Ça, c'en est un autre. Il me tendait les papiers, je les ai lus, et il me disait, ce sera à toi quand je serai mort. Ça ne regarde pas la justice. Alors, sous les papiers, il y avait des morceaux de pierre jaune, sous les morceaux de pierre de la poudre fine, qu'il faisait couler entre ses doigts. Tu vois? Je voyais. Tu vois bien? Je vois. Tu sais ce que c'est? C'est la liberté pour les hommes. Un de ces jours, j'irai te montrer où on la trouve, dans les rochers. Il avait voulu venir me montrer lui-même où ça se trouve. La liberté, c'est dans les montagnes, c'est à leur fin bout, plus haut que les plantes. On était parti avant le jour. On était monté à travers les vignes, puis parmi les roches, puis parmi de l'herbe, puis parmi des roches encore et de la neige. Joli temps bleu, avec des quantités de petits nuages blancs, allant tous du même côté, comme dans des régates, et au-dessus de nos têtes d'abord, puis de moins en moins au-dessus, et puis on arrive dedans. on est finalement pris dans ces morceaux de toile dont il y en a un qui est autour de vos épaules et l'autre s'entortille à vos pieds. Il voyait, comme par des trous, le vieux sage à côté de lui. Mais une disposition contraire de ses brouillards le lui cachait. Léger, sentant bon, argenté, frais sur les mains et sur la peau des joues, qui devenait transparent au soleil. Alors, dans un rayon doré, ils étaient mille gouttelettes. Et c'est peut-être ça la liberté, pense-t-il, et c'est ça le plaisir, parce qu'une percée tout à coup s'est faite du côté du vide. Et là, juste en face de lui, juste à sa hauteur, dans le bleu, on voyait briller les glaciers. Seulement, lui, voilà, s'était mis à faire des pièces. Et la flamme de la bougie penchait déjà près de s'éteindre. Oh, si on pouvait tout avoir, pensait Farinet. Mais au contraire, il faut choisir, ou bien continuer à vivre comme je vis, ou me rendre. Seulement alors, ça ferait 6 mois au moins à être privé de grand air, à être privé du bonheur et des choses qui sont dedans. Une feuille mouillée, un brin d'herbe avec ses perles, un bouquet de baies rouges qu'on met à son chapeau. 6 mois, et puis... Et peut-être bien pourtant que ça ne serait pas payé trop cher ce qu'on pourrait avoir ensuite, l'ayant vue elle aussi qui venait, toute fine et ronde, son caraco comme le ciel, un tout petit coup de poulet. À ce moment, la flamme de la chandelle avait vacillé en jetant une grande lumière, la mèche s'étant soudainement couchée dans une mare de suif fondu. Il avait relevé la tête, il a regardé tout autour de lui. Il y avait un trou au plafond, c'est ce qu'il voit. À côté de la porte, le plumier, jeté à terre, s'était déchiré et perdait ses plumes. Il voit comment on le traite, il a dit tout haut « jamais ». Il voit une chaise cassée, il voit qu'on marche dans le plâtre. Il se lève, il empoigne son fusil. « Moi, me rendre, qu'il vienne seulement me chercher !» Pendant que la chandelle s'éteint, il bute contre toute espèce d'objets et de choses qui traînent sur le plancher, cherchant la porte. Adieu, Romaillé. Voilà comment il est. Il traverse à tâtons la cuisine, et une première fois, il vise la lune, ce qui le fait rire. Il vise la lune avec son plomb numéro 4, et lâche le coup. Vous m'entendez ou quoi? Hé, hey, là-bas, les endormis. C'est non une première fois. Le son bascule sur les pentes comme les quilles d'un jeu de quilles. Vous n'avez pas entendu? Eh bien, encore une fois, pan! Et longtemps le son dégringole encore au flanc des montagnes, comme quand il y a des chutes de pierre.